Écoutez ici le son des vacances. Ludo in the mix. Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Sorgia FM. Hello tout le monde, bonne soirée, c'est Ludo qui vous emmène. Le mix de Ludo, le vendredi 21h, le samedi 21h, 2 heures de mix non-stop. À l'instant c'était David Guetta. Et là c'est Black Box, vous auriez deviné. Yeah. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Ludo in the mix. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sankey FM. Vous l'auriez compris, ça c'est les anciens jingles. Le mix de Ludo, c'est le vendredi et le samedi, 21h-23h. Ce qui ne change pas, c'est que sur Sorgia FM. Bonne soirée à vous. We'll be right back.

around. Me never know I saw your master the saxophone. Cause you sound like the dog of the town, yeah. I'm lucky when you run, come around, yeah. Make me wobble, you make me whole body bubble. Let me know I say you're trouble when you're ready for the double. And you hit that note in the middle. Play with it a little. Why your soul not tickle? I'm telling you that hit that note in the middle. Stay with it a little. Why your soul not tickle? I'm feeling them. GFM, GFM, GFM, le mix de Ludo, le mix de Ludo, on va pas se vanter, je suis un vrai rebeu, bap tout un black panther. Something in you, there are heaven and

this progress if you could make it last? Why is it that you just lose control every time you agree on taking this road? So why is it gotta be so damn tough? Cause fools and lust could never get enough of love. Showing that love that you be giving, changing up your living for a loving transition. So let's listen, trying to get you to listen. Humanity, each other have become our tradition. You yell, I yell, everybody yells. Got neighbors across the street saying, who the hell, what the hell's going down? Too much of the bickering, killer with the sound and de Ludo, le vendredi 21h, le samedi 21h. Rompe la disco. c'est fou. Y'a du soleil et des nanana, nanana, des bandidos, des bandidos, la la la la. Mais qui passe, oh, mais qui passe, la la la la. Y'a du soleil et des nanana, nanana. Un million, deux millions, ce soir ça remplit de sensations. Attention, une tentation, car tous les mecs seront mignons. Un million, deux millions, ce soir ça remplit de sensations. Attention, une tentation, car toutes les filles seront mignonnes.

Quand nous sommes tous les deux, l'amour ne fait qu'un. Je t'aime pour toujours et tu le sais bien. Tes lèvres sont sucrées, laisse-moi t'embrasser. Nous sommes faits l'un pour l'autre et ça tu le sais. Oh mon amour, laisse-moi te toucher, caresser ta peau. Ça me fait rêver, danser sur des rimes qui nous font vibrer. Je t'aime pour toujours et ça tu le sais. I'm walking down the street and my heart goes boom. In a minute we will meet and my heart goes boom. When we are together I want love forever. I'm walking down the street and my heart goes boom, boom, boom. And my heart goes boom. Baby, be my lover, I don't want no other. What I really, really, really want is you. I don't need no education, stupid conversation. had any trouble, just do man. Don't let it trouble, just demand. Vous voyez, si je vous dis que le morceau s'appelle Ping Pong, sérieux, hein. Voici Object One, dans les années 90, à l'instant, juste avant, 1996, c'était Mephisto, avec vous ici. Bonne soirée, il nous reste plus longtemps à passer ensemble, et faisons les choses bien. Le mix de Ludo, vendredi, samedi, 21h, 23h. Trouble your brain.

Le mix de Ludo, le vendredi 21h, le samedi 21h, tout ça sur Sorgi FM. À noter que vous pouvez podcaster, pardon, j'ai un mieux dans ton article. Donc je disais, vous pouvez podcaster cette émission tous les lundis à partir de midi sur le site de Sorgi FM. Et comme ça, vous pouvez emmener l'émission à la plage, ou au bord du lac, n'importe où, à la piscine même. Encore une fois, c'était Zach à l'instant. excellente soirée à vous. On se retrouve demain, 21h-23h, pour une nouvelle édition du Mix de Ludo. Travel through time, all my senses burn. passez une bonne soirée. Rendez-vous demain à partir de 21h jusqu'à 23h pour une nouvelle édition du Mix de Ludo. D'ici là, bonnes vacances. Éclatez-vous. Faites pas trop de folie de votre corps. Quoique, en même temps, il fait chaud. Il aurait peut-être essayé, il paraît que ça brûle les graisses. Allez, rendez-vous demain. Ciao, ciao, bye bye. Ici le son des vacances. Écoutez ici le son des vacances. Ludo in the mix. Ludo.